Là, voilà le bâtiment, administration, vous voyez le bâtiment. Donc quand on parle des Chalets de Bretagne, le boulevard avec le blocus qui est là, hein, oui, c'est ça, les Chalets de Bretagne qui s'arrêtaient là avec des cales. Et tout ça après la Loire, c'était des Antilles, jusque là au boulevard. Là en ce moment où il y a des trois nefs qui sont restées, les blancs, là, en deux, en trois, il y a l'éléphant là, qui passe là, et c'est ça qui reste. Hein. Autrement, vous voyez, tous les halls là, ça allait dérober, ça allait jusqu'au nef L. Donc tout ça c'était couvert, vous voyez, notre bâtiment là, il y avait une voie de chemin de fer, et c'était les ateliers en face. Donc j'ai vu que c'était fermé. Et puis après, là c'est avant que Dubigeon arrive, ces ateliers là ont été remplacés, les cales 1, cales 2, c'est où il y a le parking, c'était supprimé, et c'est là il y avait tous les grands ateliers d'un bout à l'autre qui ont été fermés après, 1960. Donc là il y avait déjà eu la fusion. Loire-Bretagne seulement. Oui, Loire-Bretagne. Quand Dubigeon est venu, vous voyez, ces deux cales-là, 1, 2, 3, 4, il reste donc la 3 et la 4, qu'ils appellent maintenant la 1 et la 2. Hein. Et puis, ça, c'était supprimé. Et c'est là qu'ils ont fait des vieux ateliers qu'ils ont démolis pour faire ici des grands ateliers qui fermaient tout. C'est la seule chose. Autrement, c'est resté. Si je vous dis l'infirmière, c'est ça, plein de chaudures, là, le bâtiment, là, l'info, ce qu'ils ont marqué, l'infirmerie, bureau du personnel, c'est ça qu'ils ont démoli. Là, c'est le chalet suisse d'à côté. Et puis, alors, tout le long du boulevard, c'est ça, cette grande salle, là, magasin général, qui allait depuis l'entrée jusque-là. C'est là que c'était des magasins. Ils ont fait deux étages dans le milieu, plus la salle à transfert au troisième. Et tout ça, il y avait au moins 500 personnes là-dedans. C'est tous les bureaux de direction là-dedans. Et puis, alors, le hangar maintenant, qui a été pris après, qui est encore en plus, quand les gens sont venus, il n'y avait pas assez de place. On a pris le hangar à bananes en plus. Alors, vous voyez, du hangar à bananes jusqu'à la place François 2 là-bas, ben, il fallait avoir des vélos pour aller d'un bout à l'autre là-dedans, dans un sacré bout de chemin. Ben, les gars qui travaillaient dans l'atelier ne bougeaient pas, mais moi qui étais au téléphone depuis le bout-là jusqu'aux Antilles, hein, ben, je ne voulais plus. Ah ben, ça va être plus explicite pour vous, ça, parce que ben, là, oui. Ben, oui. Là, c'est la fusion de la Bretagne, ça, à ce moment-là. Et les moteurs, c'était là. Voilà, ben ça, là, c'est là qu'en ce moment ils ont en train de faire, comme déjà les machines de cinéma là, pour les musiques fonctionnelles. Et ça, c'est ça les CM en ce moment, là, les nefs où il y a FR3 qui est dedans. Et puis, et on avait en face, on avait là aussi un magasin, on avait des magasins dans la rue à côté, là, le petit café vert. Ça, les bureaux centraux, c'est là où il y a la mutuelle, les grands bâtiments du bord. Mais nous, à l'instant, c'était des fameux bureaux qui devaient être faits, hein, dont j'avais défini. Alors la grue, elle est restée pendant presque un an ou trois ans, au moins dans le milieu. Le mec, il venait la reprendre tous les ans. Oui. Tu penses qu'il avait gagné du fric avec ça. Parce que s'il enlevait, paraît-il, ça veut dire que j'en étais fermé. Alors il a laissé, il a éloué. Ah, ça ne veut rien du tout. Ah, c'était juste avant que ça ferme. Ben oui, parce que ça veut dire que le chantier était arrêté, mais pas, comment déjà, pas terminé. Voilà, donc celui qui est débrouillard de la grue, ben, il a payé de la moins chère après. Ça, c'est en 60, quand il y a la fusion. Ah, oui, ben voilà, je vous disais, les bâtiments qu'on fait. Après, là, pendant à la fusion, le bureau d'études était là. Oui, alors maintenant, on a d'autres plans. Ça, c'est pour garder vraiment le sujet maquin rouge. Moi, c'est tous les, comment déjà, toi, ça a été fait en 1947, réparation des locomotives en 47. Ça s'était fait en 1907. Là, l'éléphant, et ça s'arrête là, le machin. Ils ont pas fait des bombes aussi au chantier de la Loire? Si. Les obus. Les obus, là, voilà. Il y avait des obus, là, c'était l'entrée. Ouais, là. Voilà. Machine à fromage et les obus, en 1955, pendant la guerre d'Indochine. Ah ouais. Il faudrait qu'il y ait des obus à la Loire. D'accord. C'est beaucoup de femmes qui travaillaient, d'ailleurs. Alors vous voyez que tout cet emplacement, là, si c'était convoité, bien sûr, hein, c'était... Là, c'est juste devant, donc vous voyez, la région Bretagne, le grand mur, là, avec les nefs, là, le grand mur, je vous disais tout à l'heure, là, c'était là. Puis ça, le passage Pommeret, on passait, là, dans la nef, pour aller au bout du bâtiment. Mais alors, le passage Pommeret, maintenant, parce qu'il n'y a plus le passage... Ben, c'est là, dans le milieu, il n'y a plus rien. Oui, mais il y a un passage Pommeret. Ah, ben oui, mais nous, on baptisait le passage Pommeret. Ah, voilà, c'est vous qui avez... Ben oui, il fallait lui donner un nom, comme les surnoms, c'est pareil. Alors donc, comme c'est là qu'on passait par en dessous pour aller de la Bretagne ici à la Loire, bon, on passe par le passage Pommeret. Et c'est là qu'ils ont commencé, après ils ont fermé ici, on ne pouvait plus sortir nous non plus. Et Michel, le pont des Soupirs, tu l'as fait voir? Non, mais il a démoli. Ah, il était là, le pont des Soupirs. Hein. Parce que là, entre ces bâtiments qui étaient en face de Blocos, là, et puis là, il y avait des dessinateurs de ce bout-là. Il aurait fallu des dessinateurs qui allaient d'un bureau à un autre, qui tombent des gouttes d'eau sur leur pauvre tête. Hein. Alors, il y avait un pont qui était en arrondi comme ça, comme à Venise, mais décalé, parce qu'entre les deux, il y avait une voie ferrée qui passait, mais pas dans l'axe. Donc le pont, il y avait 7 ou 8 marches, après ça montait comme ça descendait en biais. Et comme ça s'est découvert, le nom c'était Pont des Soupirs, comme à Venise. Et c'est les dessinateurs qui passaient par là, parce qu'un ouvrier n'aurait jamais été dans ces Niara, parce que c'était un peu des Niara. Donc tout ça, c'est moi qui ai marqué les noms en rouge pour les noms des souvenirs, ateliers, tout ça qu'on trouvait. Et bien la direction, autant la Loire, ils avaient un beau bâtiment, la direction. Nous, on avait ancienne direction, vraiment la caisse en bord. C'est un vieux bâtiment qui avait que deux pièces en hauteur, deux pièces en bord. La caisse en bord, toute noire, avec un petit vieux verru, puis les filles qui étaient là, dans le noir. Ils avaient des manchettes comme eux. Oui, parce que tout était écrit à la main. Et le petit vieux qui avait un petit bouc, et c'est toujours qu'il mettait l'assise. Il a dû mourir en neurasthénique, ce mec-là, parce que dans la caisse où il était, je crois. Mais c'était tout dans le noir, il n'y a pas de fenêtre. Hein. Ah bah, c'était pas reluisant. Il y avait deux hommes et une femme là-dedans, je me rappelle de ça. C'était déjà plus luxueux. La paix, c'était quoi? C'était chaque semaine la paix? Ah, c'était tous les 15 jours. Quand tu étais à la quinzaine. À la quinzaine. En ligne. Le 15 jours, on avait ce qu'on appelait la paye des yeux. Parce qu'on voyait, il donnait que la moitié de la paye à peu près. Ça s'appelait la paye des yeux. Parce qu'à la fin du mois, après, il y avait donc les heures supplémentaires, les travaux sales, les primes et les subventions. Alors la première paye, c'était la paye des yeux. Parce qu'on disait, c'est pas la paye du mois, en fait. C'est un acompte. Qui était retiré, donc, à la fin du mois. Ça, c'est. Et le jour de paye. Et évidemment, comme ça a évolué, les salaires ont quand même augmenté quand même. Ah oui. Donc ça faisait trop de liquide à transporter tous les mois pour payer. Parce que nous, les mensuels étaient payés au mois, pas de problème. Et les ouvriers, c'était payé à la quinzaine. Donc ils ont mensualisé les ouvriers. Ils ont dit maintenant, on n'ira plus d'argent liquide. Il faut vous ouvrir un compte. Ah voilà, vous avez un compte dans quelle année? Et c'est là que, le blocos qui est en vous, là, qui est en train d'habiller, il s'est monté tout de suite. La BNP. Bon. Ah, évidemment. Ah ouais. Une banque. Et les gars avaient leur compte là. Ouais. Et c'est là que les femmes, quand elles ont reçu des bulletins de salaire à la maison, envoyés pour la poste, quoi? Tu gagnais tout ça, vous voyez, quand ils étaient payés en liquide. Une partie d'escamoté. Oui, à une pochette où il y avait le bulletin pour les allocations familiales et puis un petit bon dedans simplement. Et la paye des yeux, je pense que c'était. Il n'y avait pas de bon avec. C'était simplement. Il y avait par exemple 150 francs, puis c'est tout. On savait c'était tant. Alors donc les gars, ils commençaient en sortant, à sortir. C'était des billets neufs en général. Les gars, ils commençaient à les payer leur shopping qu'ils n'avaient pas payé de la semaine. Et quand on sortait ici sur le boulevard, là, maintenant ils posent des voitures à plein, on aurait dit le marché à Dudeland. Il y avait un marchand de crayons, de l'Autorité nationale, les stylos Parker, des chaussettes, des bonbons. Oui, il naît les soirs de paye. Les jours de paye, donc. Oh, il y avait ça arrêté à peu de monde. Hein. Parce que là, il y avait le pont transborder. Oui. Alors donc, il n'y avait pas de circulation, là. Vous pouvez s'installer. Parce que là, vous étiez payé en liquide encore à ce moment-là. Ah oui, on était payé en liquide à ce moment-là. C'est vous ça que les gars. Ils dépensaient direct. Ils sortaient, alors hop, là, ils payaient le marché directement. Content de sortir un billet de 10 francs ou je sais pas quoi pour acheter. Et ça a commencé quand le système des comptes? Alors attends, moi, je me rappelle avoir vu l'arrivée de la fusion de la Bretagne avant que du 8 juin arrive. Donc c'était avant 70 que ça passait. Parce que je me rappelle un jour, la comptabilité avait été mise là-bas au bout, l'ancien bureau ACB, presque à la place François 2. Et comptabilité au premier étage. Et un jour, je m'en allais vers là-bas, j'ai vu l'arrivée. Alors, deux tractions, les flics, les mitraillettes, parce qu'ils ramenaient pour 6000 personnes. La paix, ça faisait un tas de millions incroyables. Alors, c'est pour ça qu'ils ont dit ça ne peut plus durer de ramener tout ça. Alors, quand ils m'ont. Tout oh là, liquide. Mais non, mais c'était. Il n'y a jamais eu de casse. Et la comptabilité, ce jour-là, tout était fermé, tu ne pouvais pas entrer dans. Mais il n'y a personne qui n'a jamais fait de casse. Ici, non. Qui n'a jamais braqué du coup, c'est quand, à ce moment-là, ça faisait un gros des 100 000 francs par mois. Là, ça a évolué, les braquages, bien sûr. Oui, non, mais il n'y a jamais rien eu, là. Je crois que c'est quand ça arrivait à 100 000 francs par mois. 100 000 francs, je ne sais pas si ça peut commencer aujourd'hui, au moins. Le SMIC, peut-être, à ce moment-là, 100 000 francs par mois. 100 000 francs, oui. Ben oui, 100 000 francs, ça faisait. 1 nouveau franc à peu près, oui. À ce moment-là, ils ont dit, ah non, c'était bien, allez, des chèques postales à ce moment-là, ou la banque. C'est là qu'il y a des surprises que je dis que les bonnes femmes. Oh là là, mais quoi. Parce qu'il y en a qui gardaient la prime pour eux, c'est la prime de premier temps. Elle était dans la pochette, ils gardaient ça pour eux. Quand j'ai un copain à table, comme moi déjà, il m'a dit, moi je garde tout pour le restaurant, quand j'ai avec ma femme, je paye des suppléments, c'est avec ma prime. Ah, mais elle ne savait pas combien il y avait. Elle gardait pour eux.